Merci. Sont mes chansons. La pie qui tombe en carafe. Juste le temps de changer la pile. Bidoudi doudi bidou bipoum.